الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نتحدث اليوم عن موضوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة وهو أسباب الخلاص من الذنوب والمعاصي فإن من قيدته ذنوبه ومعاصيه عن فعل الطاعات وترك المنكرات عاش في الدنيا معيشة ضنكا يتألم يود لو تخلص منها وتاب منها فالذنوب والمعاصي مصدر كل شر فالواجب على كل من نصح نفسه أن يسعى بعد الاستعانة بالله العظيم بالبحث عن أسباب الخلاص من الذنوب والمعاصي فيفوز بجزيل الثواب وبرضا الرحمن والنجاة من العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله أولا إجلال الله سبحانه وتعالى وإعظامه فيشهد العبد بقلبه عظمة الله العظيم قال جل جلاله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه يقول بشر بن الحارث رحمه الله تعالى لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا فاستحضار العبد بأن ربه يسمعه ويراه وأنه يعلم السر وأخفى حاجز عن معصيته قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وأعظم زاجر عن فعل الذنوب أن تعلم أن الله يراك ولا خلاف في ذلك ثانيا مشهد المحبة فيترك المعصية محبة لله محبة للمنعم للخالق الرازق سبحانه وتعالى فإن المحب لمن يحب مطيع فأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين قال جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا عمر العبد المؤمن قلبه من محبة الله طلبا لمرضاته صرفه ذلك عن الوقوع بما يغضب الرب أيضا يخاف من فواته من حظه من محبة الله سبحانه وتعالى والمحبة الصادقة أيها المؤمنون تستلزم امتثال أوامر الله واجتناب معصيته قال جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولقد أحسن من قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكر وشكر وحسن عبادته ثالثا مشهد النعمة والإحسان قال الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله علينا تتوالى ليلا ونهارا فقل لنفسك يا نفسي يا نفسي أيليق بك ونعم الله تنزل إليك ليلا ونهارا أن تقابلها بالعصيان أن تقابلها بالعصيان هذا يوجب الحياء من الله وعدم عصيانه جل جلاله رابعا مشهد الغضب والانتقام مشهد الغضب والانتقام فالله رب العالمين لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ويغضبه الذنوب وتغضبه الذنوب والمعاصي ولا يقاومه أحد فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا أي شدة الغضب فلما آسفونا انتقمنا منهم وقال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي فقد هلك كيف نبيع شرفنا بديننا وعزة طاعتنا لله جل وعلا للذة زائلة ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يغضب على من عصى فنسأل الله العافية خامسا مشهد الفوات فكم يفوت من لذات الدنيا وخيرات الآخرة وبركاتهما لمن عصى الله سبحانه وتعالى للذة أو لشهوة فانية من بعدها الندم أو النار عياذا بالله فإن حفظت دينك يا عبد الله حفظك الله تبارك وتعالى في دينك في دنياك في أخراك وآخرتك والله المستعان وهكذا يفوته كمال الإيمان كمال الإيمان ولذة الطاعة وتذهب عنه حسناته يقول ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال تهامة بيض يا رسول الله قال ثوبان يا رسول الله أو قال رجل يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها المشهد السادس مشهد القهر والظفر فمن ترك المعصية وتاب إلى الله وتخلص من الذنوب فقد قهر نفسه والشيطان وغلبهما وغلب عدوه الأكبر فيذوق حلاوة الطاعة ولذة وفرحة وفي الحديث أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطاني فهما مصدر الشر النفس والشيطان سابعا نشهد العوض فيا عبد الله إذا تركت معصية الله من أجل الله خوفا من عقابه وطلبا لرضاه حفظك الله في دينك ودنياك سيعوضك الله في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وسيعوضك الله في الآخرة بجنة والتمتع بنعيمها المقيم. قال الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن المشهد المعية، المعية الخاصة، فإن تركت الذنوب كان الله معك. المعية المستلزمة لحفظه وتأييده ونصرته وتوفيقه لك سبحانه وتعالى. أهذا خير أم قضاء شهوة فارية؟ قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: إن الله مع الصابرين. تاسعا، مشهد المغافسة، أي يخاف العبد أن تأتيه منيته فجأة فيتذكر من أراد معصية الله أن الأجل قريب، أن الأجل قريب ولا يفرق بين كبير ولا صغير. وقد يمشي إلى معصية فيأتيه الموت فيحشر هكذا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا أصحابه قرب الأجل: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت صلى الله عليه وسلم. وأخيرا وعاشرا، مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء الحقيقية هي الذنوب وعواقبها، وإن كان أصحابها في الظاهر في صحة من أبدانهم. والعافية المطلقة هي طاعة وعواقبها وإن مرضت أبدان أصحابها. فنسأل الله سبحانه وتعالى يخلصنا من ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Nous allons traiter un sujet ayant la plus haute importance, et il concerne l'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes. Ce sujet est: comment se prémunir des péchés et des désobéissances, et pour celui qui est dedans, comment s'en sortir et s'en repentir. La personne qui est éprouvée par la dépendance au péché, elle vit une vie remplie de gêne, de stress, de soucis et de peine, et il se dit en lui-même: j'aimerais tant me séparer de ces péchés, et j'aimerais tant rejoindre le groupe de ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il nous faut rechercher les causes qui poussent à délaisser les péchés et se repentir. Et le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a un chapitre dans lequel il a cité 20 points. Nous allons ici en citer 10. En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous séparer de tout péché, nous aide à obtenir la grande récompense qu'il a promis à ceux qui se repentent, et qu'il nous accorde son agrément et nous préserve du châtiment dans les deux mondes. La première cause est de considérer Allah subhanahu wa ta'ala et de témoigner de sa grandeur et de rien voir plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, de par son cœur, reconnaît ce Seigneur immense, et il n'y a pas plus grand ni plus immense que lui pour elle. Allah dans son livre nous dit, sur la traduction des sens de ce verset: et ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'il fera alors qu'il prendra la terre tout entière d'une poignée le jour de la résurrection, et il pliera les cieux de sa main, et il pliera les cieux de sa main droite. Il nous dit également, toujours selon la traduction des sens de ce verset, qu'ont-ils à ne pas considérer Allah, alors qu'il les a créés par étapes? Qu'ont-ils à ne pas immensifier Allah comme il devrait l'être, alors qu'il les a créés par étapes? Celui qui a créé la personne de par ces étapes-là, après avoir reconnu cela, le serviteur se doit de lui obéir et de le considérer, subhanahu wa ta'ala. Bishr ibn al-Harith, un des anciens, rahimahullah ta'ala, disait, si les gens méditaient sur la grandeur d'Allah, ils ne pourraient lui désobéir. Si les gens méditaient sur la grandeur d'Allah, ils ne pourraient lui désobéir. Et le fait d'avoir toujours présent à l'esprit qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend, il nous surveille, il connaît nos choses les plus secrètes et notre intérieur, tout cela nous pousse à délaisser les péchés. Tout cela nous pousse au repentir. Et le grand savant, Al-Shinqidi rahimahullah ta'ala, dit, et la plus grande cause qui repousse de la désobéissance est le fait de savoir qu'Allah nous voit et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Deuxièmement, le fait d'avoir présent dans son cœur l'amour d'Allah. Le fait de remplir son cœur de l'amour d'Allah est une des plus grandes causes qui pousse à délaisser le péché. Car celui qui aime véritablement ne désobéit pas. Il ne désobéit pas. Et le meilleur délaissement est le délaissement qui a pour cause l'amour. Tout comme la meilleure obéissance, c'est l'obéissance qui est faite par amour. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et ceux qui ont la foi aiment Allah d'un amour plus ardent. Ceux qui ont la foi aiment Allah d'un amour plus ardent. Celui donc qui remplit son cœur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, en méditant sur ses nombreux bienfaits et qui espère sa récompense et obtenir son agrément, il s'éloignera de tout ce qui cause la colère d'Allah et tout ce qui lui fait perdre des parts de l'amour de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager, suivez la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et il vous pardonnera. Il vous aimera alors et il vous pardonnera. Donc le serviteur s'éloigne de tout ce qui cause l'éloignement d'Allah et il remplit son cœur de tout ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fut dit, tu désobéis à la divinité tout en prétendant que tu l'aimes. Ceci est impossible et n'est pas convenable. Si ton amour avait été pour lui véridique, tu lui aurais obéi, car celui qui aime est envers l'être aimé obéissant. Celui qui aime est envers l'être aimé obéissant. Troisièmement, le fait de méditer et de reconnaître les bienfaits d'Allah et ses grâces sur nos personnes. Il nous dit dans son livre, sur la traduction de ces versets, et il a déversé sur vous ses bienfaits, que ce qu'ils soient apparents ou cachés. Ou encore, dans un autre verset, et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Et quel mauvais serviteur, celui qui répond aux bienfaits d'Allah en les utilisant pour lui désobéir, en les utilisant pour lui désobéir. Donc dis à ta propre âme, lorsqu'elle te pousse au péché, ô toi mon âme, est-ce qu'il te convient de désobéir à celui qui t'a tout donné, alors qu'il te comble de jour comme de nuit? Ô mon âme, est-ce qu'il convient d'utiliser le bienfait de ton Seigneur, alors qu'il t'a comblé et t'a tout donné de jour comme de nuit? Cela doit nous pousser à avoir de la pudeur envers le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers notre Seigneur, et au délaissement des péchés. Quatrièmement, le fait d'avoir peur de sa colère et de sa vengeance. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qui le mettent en colère, il y a la désobéissance et le péché. Et on sait que nul ne saurait rendre incapable Allah, que ce soit dans les cieux ou la terre. Et personne ne peut repousser la menace d'Allah et sa punition. Il nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, et lorsqu'ils nous ont mis grandement en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Donc Allah Azza wa Jal se met en colère contre ceux qui lui désobéissent, et la punition d'Allah est proche des pécheurs. Il nous dit également, et celui qui reçoit sa colère sera amené à périr. Lorsqu'Allah Azza wa Jal se met en colère sur une personne, si elle ne revient pas vers Allah Azza wa Jal, sa fin sera très malheureuse. Et comment est-ce qu'on pourrait vendre notre religion pour un plaisir éphémère et un péché de passage et encourir par la suite la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Cinquièmement, mashhadul fawat, c'est-à-dire le fait de se dire à soi-même, ô mon âme, si tu commets tel péché, tu vas perdre ceci et cela, tu vas perdre la bénédiction dans tes affaires, tu vas perdre le bien et les hasanat, tu vas perdre ton au-delà, alors qu'en obéissant à Allah, tu vas obtenir les hasanat, la préservation d'Allah et la bénédiction. Avec les péchés, tu vas perdre la complétude de la foi, ta foi va diminuer, tu vas perdre tes hasanat. Le prophète alayhi salam a dit aux compagnons, il y a des gens qui viendront le jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat. Ils viendront le jour de la résurrection avec des hasanat semblables à la montagne de Tihama, blanche. Puis il a dit, et tout cela sera rendu par Allah poussière éparpillée. Et tout cela sera rendu par Allah poussière éparpillée. Fayaj'alu Allah haba'an manthura. J'ai oublié de citer cela en arabe. Puis les compagnons ont dit, comme le rapporte Thauban radiallahu anhu, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Qui sont-ils? De peur d'en faire partie sans le savoir. De peur d'en faire partie sans le savoir. De peur de faire partie des gens qui viendront yom al-qiyam avec des montagnes de hasanat qui disparaîtront. Alors le prophète alayhi wassalam a dit, sachez que ce sont des gens ayant la même peau que vous. Et ils prient partie de la nuit comme vous le faites. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils désobéissent à Allah. Lorsqu'ils se retrouvent en privé, ils transgressent les limites d'Allah. Ils commettent des péchés. Ils commettent des péchés. Donc Allah Azza wa Jal va annuler leurs bonnes actions. Yawm al-qiyamah, iyadan billah. Sixièmement, mashhadul qahri wa dhafa. Le fait de chercher à battre son ennemi. Le fait de chercher à battre son ennemi. Et son nombre de deux. Le plus grand est ash-shaytan. Et ensuite il y a notre âme qui nous pousse à la désobéissance lorsque le serviteur délaisse le péché et arrive à prendre le dessus sur ses passions et son âme et son shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala lui met dans son cœur une grande joie et un grand plaisir, une grande joie et un grand bonheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua. Il a enseigné parmi les invocations du matin, du soir et du coucher cette invocation à Abu Bakr. Et il y a dedans, et je cherche refuge auprès de toi, je cherche protection auprès de toi contre le mal de ma propre personne, de mon âme, contre le mal de mon âme et de mon shaytan. Car ces deux choses-là sont la base du mal, la base de la transgression et du mal. Septièmement, mashhadul iwad. Et rappelle-toi que si tu délaisses le péché pour Allah, Allah te remplacera par meilleur. Allah te remplacera par meilleur. Et il n'y a aucun doute sur cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par meilleur. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par meilleur. Dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la joie dans ton cœur. Et il va te faire vivre une vie heureuse. Et il va bénir ta vie. Et dans l'au-delà, il va t'accorder le paradis. Il te permettra de tirer profit de tous ses plaisirs. Celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le rétribuerons selon le meilleur de ceux qu'ils œuvraient. Aussi, Allah nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et celui qui aura eu peur de la place de son Seigneur et qui aura délaissé ses passions, le paradis sera sa destination. Le paradis sera sa destination. Huitièmement, le fait de ne pas perdre. Ou huitièmement, al-ma'iyya, le fait d'avoir Allah avec soi. Car celui qui délaisse les péchés et qui obéit à Allah, Allah sera avec lui. Il sera avec lui de par son secours. De par sa préservation, il va le défendre, il va l'aider, il va lui accorder la réussite. Et cela n'est pas comparable au plaisir du péché. Et certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Certes, Allah est avec les endurants. Et rappelez-vous l'histoire des trois personnes qui étaient en voyage et se sont abritées dans une caverne, puis un gros rocher a bloqué la sortie. Alors chacun a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par les actions les plus sincères faites dans le passé. L'un d'entre eux a dit, « Oh mon Seigneur, il y avait une femme et c'était la femme que j'aimais le plus. C'était la fille de mon oncle. Et je voulais commettre avec elle le péché. Mais elle s'est refusée. Mais un jour, alors qu'elle a connu une grande difficulté financière, elle est venue me trouver. Je lui ai donc dit, je te donnerai 120 pièces d'or à condition que tu me permettes de commettre l'acte avec toi. Alors elle accepta dans cette grande difficulté. Puis lorsqu'il s'est mis sur elle, elle lui a dit, crains Allah et ne commets cet acte que dans le halal. Alors je me suis levé, oh Allah, je me suis levé pour toi. Oh Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir. Et Allah a déplacé le rocher et ils ont pu sortir. Cette âme-là s'est rappelée de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a été avec Allah, alors Allah était avec lui. Il l'a sauvé de la perdition dans cette grotte et lui a permis de sortir. Et il l'a sauvé lui ainsi que ses deux compagnons. Neuvièmement, le fait de se rappeler que la mort peut frapper à chaque instant. La mort peut frapper à chaque instant et elle vient subitement. Celui qui souhaite désobéir Allah, qu'il se rappelle de cela et qu'il se dise peut-être qu'après cette action je vais mourir et être ressuscité et revenir vers Allah. Qu'est-ce que je vais dire à Allah tabaraka wa ta'ala? Il se peut que la personne marche vers le péché et qu'elle ne l'atteigne jamais. Il se peut que la personne finisse le péché et ne rentre jamais. Il y a même des gens qui voyagent de pays en pays pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'en voyage il décède. Il se peut qu'en voyage il décède. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, soit dans ce bas monde comme un voyage ou un passant. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu disait, lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire que la mort peut frapper à tout instant. Et c'est sur cela qu'éduquait le prophète alayhi salatu wassalam ses compagnons, en leur disant, rappelez-vous souvent celle qui détruit les plaisirs. C'est-à-dire la mort. Et dixièmement, et finalement, mashhadul bala'i wal afiyah. Le fait de se rappeler qu'il y a soit le fait d'être préservé, soit le fait d'être anéanti dans le malheur. Et le vrai malheur, c'est le péché. Même si les gens en apparence sont en bonne santé, voici le vrai malheur, être emprisonné dans ses péchés. Et le vrai bonheur, c'est l'obéissance d'Allah. Même si ses adeptes en apparence sont malades dans leur corps. Et pour conclure, une histoire qu'a rapportée Al-Hafid Abdelrahman al-Mahdis. Un homme est venu voir une personne de science qui se nomme Ibrahim ibn Adham. Et il lui a dit, Ya Abba Ishaq, je commets beaucoup de péchés, donne-moi le remède pour m'en sortir, afin que mon âme se réveille. Alors Ibrahim ibn Adham lui a dit, si tu acceptes de moi 5 choses, ça ne te nuira plus jamais. Il lui a dit, dis-moi. Il lui a dit la première chose, ne mange pas de la subsistance d'Allah. Alors l'homme lui a dit, comment pourrais-je ne pas manger de la subsistance d'Allah, alors que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Allah. Il lui a dit, comment est-ce que tu peux oser manger la subsistance d'Allah, puis ensuite lui désobéir. Il lui a dit, cite-moi la deuxième chose. Il lui a dit, lorsque tu veux désobéir à Allah, sors de son royaume. Lorsque tu veux désobéir à Allah, sors de sa terre. Il lui a dit, mais cette deuxième chose est encore plus difficile. Comment pourrais-je faire cela alors tout ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, et entre les deux, appartient à Allah? Il lui a dit, comment oses-tu vivre dans son royaume et lui désobéir alors? Il lui a dit, cite-moi la troisième chose. Il lui a dit, lorsque tu veux désobéir à Allah, cache-toi dans un endroit où tu ne seras pas apparent pour Allah. Il lui a dit, comment pourrais-je faire cela alors qu'Allah voit tout ce qui est apparent et caché et il connaît mon intérieur. Cite-moi la quatrième chose. Il lui a dit, lorsque l'ange de la mort viendra à toi pour retirer ton âme, dis-lui, laisse-moi un temps afin que je me repente et que j'agisse en faisant de bonnes actions. Il lui a dit, ne me laissera pas. Cite-moi la cinquième chose. Il lui a dit, lorsque les anges viendront te chercher pour te traîner en enfer, dis-leur, laissez-moi. Dis-leur, laissez-moi. Et il lui a dit, cela m'est impossible. Cela me suffit, ne m'ajoute plus rien. Je me repens à Allah et je délaisse le péché. Je me repens à Allah et je délaisse le péché. Voici certaines causes, mes chers frères, qu'il nous faut prendre en considération pour délaisser le péché, la cause de nos maux et de nos malheurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab ar-rahim an yatub 'alayna wa yarhamana wa yaghfir lana wa liwalidina wa lilmuslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.